Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon. Et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah l'unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. Et nous continuons, inshallah, avec les notions indispensables pour chaque musulman. On est au cinquième cours qui concerne les conditions des ablutions, les obligations des ablutions, ainsi que les annulations des ablutions. Faut savoir que les ablutions sont une des conditions pour la prière et que la prière est une condition à l'islam. Et la dernière fois, nous avons traité donc le sujet de la prière. Et maintenant, on va voir quelles sont les conditions des ablutions. Les conditions de la validité des ablutions, il y en a en réalité 10. La première condition, il faut être un musulman. La deuxième, il faut être saint d'esprit. La troisième, avoir atteint l'âge de raison. La quatrième, évoquer l'intention. La cinquième, ne pas décider d'interrompre les ablutions durant la purification. La sixième, terminer complètement tout acte annulant les ablutions. La septième, se nettoyer les orifices à l'aide d'eau ou de pierre après avoir effectué ses besoins. La huitième, utiliser une eau pure et licite. Et quand on dit utiliser une eau pure, et licite, c'est que si l'eau elle est impure, alors les ablutions elles sont pas valides. Et le verdict il est le même en ce qui concerne une eau qui est illicite. Par exemple, s'il s'agit de l'eau qui a été volée, ou bien de l'eau qu'on s'est procurée avec des moyens illégaux. La neuvième condition, faire disparaître tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau. Comme par exemple la terre, la pâte, la cire, la peinture qui colle à votre peau. Donc il faut enlever ça afin que l'eau puisse couler directement sur les membres du corps sans aucune séparation. Et la dixième condition, dans le cas où une personne elle est continuellement en état d'impureté, alors elle doit attendre l'heure de la prière pour faire ses ablutions. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes qui étaient atteintes par des saignements en dehors des menstrues. Il leur avait ordonné de faire les ablutions pour chacune des prières. Maintenant, on passe aux obligations des ablutions qui sont au nombre de 6. Allah a dit, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc la première obligation, il faut se laver le visage et dans le visage il y a la bouche et le nez qui fait partie. Allah a dit, lavez vos visages. Et la preuve que l'obligation de se laver la bouche et le nez vient du fait que ces deux membres, ils font partie du visage. Et les compagnons, quand ils ont décrit la manière de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait ses ablutions, ils ont dit qu'il se lavait la bouche et le nez. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous accomplit ses ablutions, qu'il introduise de l'eau dans son nez puis expire. Ce hadith est rapporté par de nombreux imams, donc par Muslim An-Nasa'i, Abu Dawud et l'imam Ahmed. La deuxième obligation de la prière, il faut se laver les bras. Allah a dit, et vos mains jusqu'aux coudes. C'est-à-dire que les coudes, ils sont inclus dans les bras. Et il est obligatoire de les laver. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait quand il prenait ses ablutions. La troisième obligation de la prière, des ablutions, pardon, il faut s'essuyer toute la tête et les oreilles qui en font partie. Allah a dit, passez les mains mouillées sur vos têtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les oreilles font partie de la tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'essuyait la tête et les oreilles durant les ablutions. La quatrième obligation, se laver les pieds avec les chevilles qui en font partie. Donc les chevilles, elles font partie des pieds. Allah a dit, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et la cinquième obligation, respecter l'ordre de lavage des membres. Donc il faut faire tout ça en ordre. Allah il a dit dans un ordre et on se doit de suivre l'ordre qui a été donné. Et la sixième et dernière obligation, il faut passer d'un membre à l'autre sans longue interruption. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'attendre que le membre qu'on a lavé, il sèche et après on va passer à un autre. Il faut qu'il n'y ait pas de longue interruption. Maintenant, on passe aux annulations, c'est-à-dire les actes qui annulent les ablutions. Là, il y en a six. Donc, tout d'abord, la première chose qui annule les ablutions, c'est tout ce qui sort des orifices d'évacuation, que ce soit en petite ou en grande quantité, comme par exemple l'urine, ou bien les excréments qui annulent l'ablution à l'unanimité des savants comme l'a rapporté Ibn Abdulber. Deuxièmement, toute souillure qui va jaillir de votre corps en grande quantité. C'est-à-dire, si c'est une petite quantité, les ablutions, elles sont toujours valides. Donc je prends l'exemple du sang par exemple. S'il y a beaucoup de sang qui coule de votre corps, c'est-à-dire en grande quantité, alors votre ablution sera annulée et il faudra la refaire. Mais s'il coule en petite quantité, alors dans ce cas-là, votre ablution ne sera pas annulée. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, s'il jaillit en grande quantité, on se doit de recommencer les ablutions. Donc là, il parlait du sang. Et la preuve que... du sang qui va jaillir en petite quantité n'annule pas les ablutions, c'est Ibn Omar radiallahu anh qui a une fois crevé un jour crevé un bouton et il y a du sang qui est sorti, mais il a continué à faire la prière. Il a fait la prière mais il n'a pas pris les ablutions et il n'y a aucun compagnon qui a divergé avec lui à ce sujet, donc c'est l'unanimité parmi les compagnons. La troisième chose qui va annuler les ablutions, c'est le fait de perdre conscience. Par exemple, si vous vous endormez, vous vous évanouissez, ou bien vous perdez conscience à cause de l'ivresse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Quiconque s'endort se doit de réitérer ses ablutions. » Rapporté par Abu Dawud ibn Majah al-Hakim, donc notamment par ces trois traditionalistes. La quatrième annulation des ablutions, toucher de la main ses parties intimes, avant ou arrière, sans séparation. C'est-à-dire les toucher peau à peau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque touche ses parties intimes doit renouveler ses ablutions. Rapporté par An-Nasa'i, Ibn Majah et l'imam Ahmed. Cinquièmement, manger de la viande de chameau. Il a été rapporté qu'un homme avait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je renouveler mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, renouvelle tes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Rapporté par l'imam muslim. Et la dernière chose qui va annuler les ablutions, c'est la mécréance. Allah a dit, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Et les savants qui ont parlé, qui ont traité le chapitre de l'apostat, ils ont donné l'exemple d'un homme qui va prendre ses ablutions et qui va tomber dans la mécréance entre le chemin de l'ablution et de la prière. Qu'Allah nous en préserve. Maintenant, deux dernières précisions. Par exemple, en ce qui concerne le fait de laver à mort, l'avis le plus juste, c'est que si vous lavez à mort, cela ne va pas annuler vos ablutions. C'est l'avis de la majorité des savants. Et il n'y a pas de preuve qui affirme le contraire qui existe. Mais par contre, si celui qui lave le mort, si sa main, elle touche les parties intimes de celui qui est mort, c'est-à-dire peau contre peau sans aucune séparation, alors il devra refaire ses ablutions. Mais il est de son devoir, bien sûr, de ne pas toucher les parties intimes du mort, sauf bien sûr s'il se couvre les mains. Et une dernière précision, le fait de toucher une femme, ça n'annule pas les ablutions, même si c'est avec désir ou sans désir, selon le meilleur avis parmi les savants. Tant que cela ne va pas provoquer l'émission d'un quelconque liquide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé une de ses femmes et il a prié sans renouveler ses ablutions. Et en ce qui concerne la parole d'Allah, dans laquelle il a dit, ou si vous avez touché à des femmes, là il s'agit du rapport en lui-même qui est désigné selon l'avis des savants le plus correct. Et c'est d'ailleurs l'avis d'Ibn Abbas radiallahu anhu et d'un autre groupe de savants. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته